texte réécrit en juin 2018 par Jean-Paul Alexis à partir des textes initiaux qu'il avait enregistrés dans son diaporama « Défense, illustration de la langue latine », texte conçu entre septembre 2017 et mai 2018. Voici ses coordonnées postales. Jean-Paul Alexis, 17 rue de l'Aqueduc, 30129, redescend, REDE2SAN, France. Et coordonnées informatiques, tout en minuscules, JNPLAlexis9@gmail.com.